Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 18. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 8 janvier 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Baltique, tu es Prince de Machiavel, tu es Roche de Solutré, tu es Dimé 81, tu es Château Chinon et tu es aussi... Ben, salut tonton ! Je t'écorcherai la gueule de dire Dieu, comme tout le monde ! Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es Kermit, tu es François Mitterrand. Nous sommes le 8 janvier 2006 et voilà 10 ans jour pour jour que François Mitterrand est mort dans son appartement de la rue Frédéric Leplay à Paris. Lundi dernier, le quotidien Libération titrait à la une que Mitterrand est aujourd'hui le président préféré des Français sous la 5ème République. Alors, à l'heure où la France semble basculer dans la tontonmania, nous nous sommes dit au Mangin Palace qu'il fallait impérativement se pencher sur ce personnage complexe. Donc, dans l'heure qui vient, la panique au Mangin Palace va tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de ton président Mitterrand. Pour commencer, nous avons choisi d'illustrer quelques dates de la vie mitterrandienne pour essayer de comprendre les raisons de cette tontonmania. Ensuite, il faudra se souvenir que François Mitterrand a placé la séduction au cœur de sa vie, puis nous avons tenté d'imaginer ce que ferait Mitterrand aujourd'hui s'il revenait réellement sur la scène politique française. Et enfin, te raconter pourquoi et comment, depuis quelques jours, notre si sympathique Jean-Claude calque sa vie sur celle de François Mitterrand. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et déhanche-toi. Turn me inside out and round and round. Upside Down, chante Diana Ross au tout début des 80s, parce qu'il n'y a pas à dire, avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en mai 81, la droite française, elle fut upside down, sans dessus dessous. Ainsi, aujourd'hui, nous allons consacrer la panique au Mangin Palace à François Mitterrand, à l'heure où on commémore ça. Souviens-toi, nous sommes alors le 8 janvier 96 sur France Inter. Au sommaire ce soir, chaque année, en France, le cancer tue 150 000 personnes. Rien n'est plus tristement banal que la mort d'un homme victime de telle ou telle forme de cancer. Ce matin, la maladie a donné un coup de grâce à François Mitterrand, un homme d'État avec lequel la France et les Français avaient noué au fil du temps des liens forts et passionnels. François Mitterrand se savait condamné. Sa lutte contre la maladie aura duré 3 ans. Sa vie politique, 1/2 siècle, 25 ans dans l'opposition, 14 ans à l'Élysée. Puis retraité pendant 8 mois. François Mitterrand est mort ce matin à l'âge de 79 ans. Mort à 79 ans après une vie politique de plus d'un demi-siècle. Bon, tu t'en doutes, nous n'allons pas te raconter la vie de François Mitterrand. Tu as pu cette semaine te gaver de reportages télé et d'articles de presse sur celui qui fut pendant 14 ans ton président. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi François Mitterrand est devenu pour certains un objet de culte au point que le journal Libération de ce week-end titre « Vénération Mitterrand ». Les Français ont construit une pratique politique où l'image des masses agissantes se mélange aux figures d'individus providentiels ou de sauveurs. Alors que nous fêtons le bicentenaire napoléonien, nous allons chercher à comprendre comment Mitterrand est devenu pour certains l'objet d'un mythe. Alors c'est quoi l'homme providentiel? Eh bien, tout d'abord, l'homme providentiel, c'est celui qui a commencé jeune, celui qui a conscience de son destin à l'âge où d'autres ont déjà perdu leurs illusions. Écoute ce discours du secrétaire général aux prisonniers de guerre du gouvernement provisoire de la République française en avril 1945. François Mitterrand a alors seulement 29 ans. Je pourrais quand même dire et affirmer en toute vérité que de nombreuses villes importantes de France furent délivrées par des groupes spécifiquement prisonniers de guerre. Et je pourrais rappeler qu'à Paris comme ailleurs, les prisonniers de guerre étaient au premier rang, c'est-à-dire autour de l'hôtel de ville, c'est-à-dire autour de la cité, c'est-à-dire aux Batignolles, c'est-à-dire dans la banlieue ouest, c'est-à-dire dans la banlieue nord, partout où l'Allemand s'accrochait, nous avons été présents. Et quand nous nous sommes retrouvés rue Meyerbeer, alors que les Allemands étaient encore dans la commandanture voisine, alors que les Allemands circulaient dans la rue même, et que nous nous sommes dit, voici que la France est libre, et qu'allons-nous faire? Voici que la France enfin retrouve son indépendance et peut retrouver sa grandeur. Est-ce que nous, les captifs, de quelque chapelle et de quelque origine que nous soyons, nous allons, oui ou non, participer à cette grandeur? Mitterrand entre donc très jeune au gouvernement et reste longtemps ministre. Certains parlent de machiavélisme, d'autres de roublardise, d'autres encore de génie politique. Tiens, par exemple, en 71, Mitterrand arrive au congrès d'Épinay, à la tête d'un mouvement minoritaire. Il en sort élu secrétaire général d'un parti socialiste uni. Mitterrand à Épinay en 71, c'est vraiment... Zorro est arrivé, sans se presser, le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau, avec son flingue et son grand lasso, avec ses bottes et son grand... de banjo. Sacré Zorro. Avec son grand chapeau à la Léon Blum et son écharpe rouge à la Jaurès, Mitterrand réussit à se créer une silhouette d'homme de gauche à la tête d'un parti de gauche. Mitterrand fascine car il a compris, avant d'autres, que les institutions de la Ve République, qu'il a combattues, excluaient le centre et allaient provoquer la bipolarisation de la vie politique. Seul un grand parti peut permettre à son chef d'accéder au second tour de l'élection présidentielle. Mitterrand a donc tout fait pour unir la gauche et la diriger. Et la stratégie a marché. Ce 10 mai 1981 à 19h59, attention, il ne reste que 10 secondes. On attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Pour la droite française, c'est le chaos. En revanche, à la Bastille, le peuple de gauche s'est spontanément réuni pour fêter l'élection de l'homme providentiel. Le Parti socialiste avait appelé à une manifestation que voici. Eh bien Jean-Marie Cavada, ici à la Bastille, c'est une ambiance de fête, ainsi que vous devez pouvoir vous en rendre compte par l'ambiance qui règne ici. La fête qui est une liesse populaire et en même temps qui tient un petit peu du meeting, parce qu'on voit partout des drapeaux qui représentent toutes les tendances de la gauche, et en même temps des drapeaux aussi, des écologistes, des drapeaux verts, des drapeaux rouges, des drapeaux bleus et rouges, etc. Et au pas de la colonne de Juillet où je me trouve, vous entendez un orchestre qui s'est installé et qui va animer une fête qui va durer probablement toute la nuit. Il y a ici à peu près environ déjà 10 000 personnes, mais le boulevard Beaumarchais et le boulevard Richard Lenoir sont noirs de monde. Et on attend ici peut-être cette nuit, ainsi que l'a annoncé Claude Villers qui anime cette soirée, à peu près 100 000, 200 000 personnes peut-être, peut-être plus encore. On a annoncé, Claude Villers a annoncé la venue de vedettes de la chanson, comme Jean-Michel Karadec, Coluche viendra aussi, l'acteur Jean-Louis Trintignant. Et alors pour l'instant, comme vous l'entendez, c'est la fête. Ce 10 mai 1981, à la Bastille, c'est la fête. Et quand un orage menace, la foule, qui est encore pleine de ses illusions, scande « Mitterrand, du soleil, Mitterrand, du soleil !» Mais la fascination qu'exerce encore aujourd'hui Mitterrand s'explique également par la figure du sauveur. En 1988, après 2 ans de cohabitation, le peuple de gauche est à la recherche d'un sauveur, d'un candidat qui peut la représenter à l'élection présidentielle. Et ce peuple de gauche, il ne voit que Mitterrand, qu'il appelle alors de toutes ses forces. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est certain, c'est écrit, je l'oublie. Je l'oublie. C'est certain, je crie, reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens, reviens. François Mitterrand, réélu en 1988, est donc le sauveur de la gauche française. Mais il fascine aussi par son économie du pouvoir. Mitterrand a souvent été comparé à un monarque. Les fastes des réceptions présidentielles et de la République dans les années 80 ont fait gausser. Mais de Napoléon Ier au Second Empire, de la Troisième République à De Gaulle, les dirigeants en France ont compris que le faste, en rattachant le présent au passé, peut être un facteur de légitimité dans l'opinion publique. Les ors de la République ont brillé de tout leur feu sous la présidence socialiste. Et pour finir de tenter de comprendre la fascination que peut exercer Mitterrand, il convient d'évoquer la maladie. La figure du héros blessé qui, malgré ses souffrances, poursuit sa mission, c'est un classique du cinéma et de la littérature. Mitterrand, malade dès 1981, est de ceux qui souffrent pour la France. Il paraît que Mitterrand, quoi qu'il en dise, est très agacé par Rocard, qui commencerait déjà à pousser son pion pour les présidentielles, mais il n'est pas le seul. Hein. Oh, oh, ah, il y en a des dauphins dans le bassin. Oh, oh. L'ennui, c'est que Mitterrand va très bien, voilà, Mitterrand va très bien. De temps en temps, quand il va dans les pays chauds, il a besoin d'un petit verre d'eau. Alors, dans les médias, tout le monde s'affole. Oh, il a pris un verre d'eau, c'est la faim. Non, c'est la soif. Ainsi, L'attrait qu'exerce encore aujourd'hui François Mitterrand s'explique en partie par sa vie romanesque, par son intelligence politique ou par son image d'homme providentiel, celui qui a porté la gauche au pouvoir. Il est éculé de comparer la vie de Mitterrand à un roman, mais c'est ainsi que Mitterrand a construit son existence. Alors bien sûr, il y a des zones d'ombre dans ce roman, mais les Français n'aiment pas les héros parfaits, car le héros, il a bien le droit, lui aussi, de faillir. J'ai bien le droit aussi de faillir, défaillir jusqu'à mesurer le prix. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ris aux larmes, je larme aux rires. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dors au bord. Ce que je suis, chanson interprétée par Holden, ce que je suis qui aurait pu être une devise idoine pour François Mitterrand et qu'il aurait sans doute lui-même complété par un truc du genre « si t'es pas content, c'est pareil ». Alors, pour continuer notre exploration de la planète mitterrandienne, après avoir cherché à comprendre pourquoi Mitterrand fascine encore aujourd'hui, il faut maintenant nous arrêter sur un autre aspect fondamental de son caractère, à savoir l'art de la séduction chez François Mitterrand. Tout le monde se souvient de la passion que François Mitterrand entretenait pour la littérature et les écrivains. Grand bibliophile, Tonton avait acquis au fil du temps une collection sublime de livres anciens. Parmi ses trésors littéraires les plus précieux, François possédait les mémoires de Casanova dans la mythique édition de Brockhaus et Avenarius. Autrement dit, un petit trésor. Un choix qui sans doute laisse présager l'admiration que pouvait avoir Tonton pour le célèbre Casanova. Casanova fut certainement un modèle pour François Mitterrand, à savoir un homme libre, vénitien, libertin et surtout monarque absolu de la séduction du monde. Et il est vrai que dans la pure tradition de Casanova, François Mitterrand, tout au long de sa vie, a cherché à séduire. Il fut un prédateur doué et redoutable, François fut un chasseur et sans cesse il cherchait et il cherche encore. Et oui, nombreuses sont celles qui ont eu le droit à un petit coup de jarnac. Président Mitterrand aimait les femmes. Cela dit, sur la fin de sa vie, fort de son expérience, il avait ses préférences et n'hésitait pas à offrir quelques conseils aux genoux de son entourage. Écoute ces quelques mots de François Mitterrand interprétés par Michel Bouquet au cinéma dans Le Promeneur du Champ de Mars. Ouais, oui, ces femmes-là ne sont jamais satisfaites. Et puis, c'est ce que je vous disais. Avant 30 ans, elles imaginent être uniques au monde. Si vous devez changer, choisissez une femme plus âgée. Une femme du Nord, de préférence. Les femmes du Nord ont une vraie gravité. Les méditerranéennes font du cirque. Évitez celles qui se fardent. Prenez une anonyme, ou plutôt une actrice. J'adore les actrices. Sûrement pas une femme mannequin. On peut les admirer, on n'a pas le droit de les toucher. Et puis, une brune. Les blondes, ça n'existe pas, c'est pour les couvertures de magazines. Président Mitterrand fut assurément un romantique, mais il ne supportait pas d'être dominé par ses sentiments. Pour éviter le sentimentalisme, il préconisait alors de mépriser l'événement et d'entretenir la passion de l'indifférence. Une véritable ligne de conduite pour un authentique séducteur, ne jamais s'accrocher. En réalité, il s'agissait surtout pour François Mitterrand de se protéger de lui-même, parce que, bien entendu, il connaissait mieux que personne sa véritable faiblesse. Dans la vie, je l'avoue, j'ai toujours un petit penchant pour les femmes. Qu'elles soient brunes, qu'elles soient blondes, à chaque fois moi j'ai le cœur qui s'enflamme. Et souvent lorsque j'ai des ennuis, c'est évidemment par les femmes. Cependant, croyez-moi, je ne pourrais pas m'en passer. Allez, femme. À la fin des années 30, Mitterrand fut amoureux fou de Catherine Langeais, la future speakerine. Il voulait l'épouser, mais c'est elle qui a plaqué François, sans doute une désillusion fondamentale dans le destin de ton président Mitterrand. Puis, en octobre 44, il a épousé Daniel et plus tard, il a choisi Anne Pinjot pour une vie parallèle dont il a eu une fille, je te l'apprends peut-être, prénommée Mazarine. Cela dit, parmi toutes les femmes qui l'ont entourée, la plus difficile à séduire pour François Mitterrand fut sans aucun doute la France. Et il y est arrivé. Mais 10 ans après sa mort, soyons sûrs que celui qui croyait aux forces de l'esprit continue encore aujourd'hui de penser à l'amour de sa vie, la France. Je suis comme loin de moi, et je pense à toi là-bas. Oui, j'ai le mal à toi parfois, même si je ne le dis pas, je pense à toi tout bas. Alors maintenant, pour compléter notre regard sur le Mitterrand séducteur, nous avons joint cette semaine au téléphone un cinéaste de gauche, un homme du Sud, à savoir Robert Guédiguian. L'an passé, Guédiguian fut l'auteur d'un film qui s'intitulait « Le promeneur du Champ de Mars » et qui retraçait les derniers mois de la vie de François Mitterrand. Pour commencer, nous lui avons demandé comment il pourrait définir François Mitterrand dans son rapport aux femmes. Réponse, juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. VIP. Bon, que c'était un grand amoureux, je veux dire, mais je crois que c'était un grand sensuel, en fait. Donc, je crois que c'était un grand vivant. Parce que, bon, donc, effectivement, si on est vivant, bon, évidemment, on a un rapport à l'érotisme, on a un rapport, d'ailleurs, il avait un rapport, évidemment, à la gastronomie, par exemple, je veux dire, évidemment, aux arts. Donc, tu penses que c'est un être éminemment sensuel. Et considérant que cette sensualité faisait partie intégrante de sa personnalité, que c'était pas quelque chose, donc, de ce côté-là, même, donc, liberté, que c'était quelque chose qui faisait partie de sa liberté. Et de son autonomie et de son anticonformisme. Donc, pouvant effectivement. Donc, en assumant cette sensualité-là. Donc, évidemment, Mitterrand a assumé cette sensualité auprès des femmes. Cela dit, il y a aussi des hommes qui ont été séduits par son charisme. Et pour être élu, il faut séduire une majorité de la population. Et d'ailleurs, à ce propos, comment expliquez-vous, Robert Guédiguian, ce retour en grâce du président Mitterrand chez les Françaises et les Français depuis quelque temps ? En fait, je crois qu'à la fin de sa vie, Mitterrand, devenant effectivement un homme plus privé que public, est devenu très attachant, en fait. C'est-à-dire que c'est devenu un grand-père national, voilà, qui avait fait des bêtises, des erreurs, y compris, évidemment, des choses très, très liées à sa vie, à sa vie affective, j'allais dire. Hein, je veux dire, donc, toutes ces histoires-là, la maladie, évidemment, le rapport à la maladie, le rapport à la mort, cette reconnaissance, comme ça, un petit peu officielle, donc, de sa fille, d'une double histoire d'amour, etc., je crois que ces choses-là l'ont rendu extrêmement populaire. Ça, c'est pour le côté privé. pour le côté public, il va de soi que c'est quand même quelqu'un, comme il disait lui-même, je crois que c'était pas du tout de l'orgueil mal placé, je crois qu'il n'avait pas tort de dire que c'était le dernier des grands présidents. C'est-à-dire des grands présidents au sens où il y avait quand même quelque chose qui avait à voir avec l'incarnation, mais au sens strict du terme, c'était le corps de la nation française. Je crois que De Gaulle l'était bien sûr, Mitterrand l'a été, bon, il me semble que Chirac l'est moins, et les gens qui arrivent le sont à l'évidence beaucoup moins. Mais j'allais presque dire, et c'est un jeu de mots, et avec jeu de mots d'ailleurs, à leur corps défendant. Hein. C'est aussi l'histoire qui fait que les nouveaux venus ou les nouveaux postulants n'auront plus cette dimension-là, parce que le monde a changé, cette fonction-là a changé aussi. Donc avec le recul, je me dis que ce monsieur a été à la fois l'incarnation simultanément de la possibilité du socialisme en France le 10 mai 81, et en même temps, j'allais dire, l'incarnation de la fin de cette idée-là. C'était Robert Guédiguian pour La panique au Mangin Palace. Slogans, chanson interprétée par Bob Marley en 1979. Au passage, si personne ne se souvient précisément en France de la date de la disparition de Bob Marley, c'est sans doute parce qu'il est mort le 11 mai 1981, le lendemain de l'élection de Mitterrand à la présidence, et bien sûr, les journaux avaient alors d'autres priorités éditoriales. Alors, pour continuer notre voyage au cœur de l'univers mitterrandien, alors que nous sommes en pleine célébration, en pleine tonton-mania, nous avons imaginé que François Mitterrand était réellement de retour sur la scène de la politique française. Que ferait-il exactement tonton s'il était là aujourd'hui? Découvrons cela ensemble. Imaginons une histoire incroyable. Dans un ultime mensonge dont il a le secret, François nous aurait fait croire qu'il fut mort il y a 10 ans. En réalité, il se reposait sur une île vénitienne, profitant des vertus d'une retraite bien méritée. Mais voilà, excédé par la faiblesse intellectuelle de la classe politique française, François Mitterrand a décidé, il y a quelques jours, pour le salut de la France, de revenir sur le devant de la scène. Tout cela s'est fait dans la plus grande discrétion. Mitterrand a tout d'abord souhaité rencontrer Giscard, un homme de son temps, et lui-même ancien président de la République. François voulait connaître la vie de Valéry sur cette France politique à la dérive. Les deux hommes se sont parlé lundi dernier, mais l'échange fut bref. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité 3 fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Mitterrand eut alors le sentiment que, décidément, il ne pourra jamais discuter avec Giscard. Mais bon, quelque part, Mitterrand sait très bien que Giscard n'est plus à la barre depuis très longtemps. À l'UDF, désormais, c'est François Bayrou, le boss. Donc le lendemain, François Mitterrand a décidé d'aller rendre visite à un homme du terroir, celui qui peut-être pourrait rassembler les forces vives autour de lui. Sensible à cette démarche, Bayrou a alors convié Mitterrand à un dîner familial dans le sud-ouest. Ce soir-là, François Bayrou s'est lancé dans un exposé sublime de sa vision de la politique. Pour moi, ces notions de gauche et de droite sont totalement dépassées. Oui, je sais que je fais sourire ma petite Régine, la gauchiste de la famille, mais personnellement, j'ai toujours été socialiste et partisan d'une économie libérale. Il y a des sensibilités et des courants d'opinion, bien sûr. Et heureusement... En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la fin des idéologies et des systèmes. Et ça, c'est important. Oui, mais c'est vrai que... À partir de quoi? Mais sommes-nous assez adultes politiquement, hein? Nous devrions dégager un large consensus national. Ne coupons pas la France en deux. Non, je suis navré, ma petite Régine, mais sans consensus, pas de Limousin, pas d'Occitanie, pas d'Hexagone et pas d'Europe, c'est clair. Excusez-moi, madame Mayotte, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose? Oui. Je me souviens plus. Jane a toujours eu du mal à se fixer sur un discours un peu abstrait. Oh, elle n'est pas la seule. Mais vous n'avez rien mangé. Vous n'aimez pas la crème renversée? Non. Vous voulez un fruit, peut-être? Non, non, merci, vraiment. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout. Au contraire. Ce récital des lieux communs et culés m'a tout à fait intéressé. C'est vrai, c'est tout un art de débiter des vérités premières. La rapidité des répliques, le timbre des voix. Ça devient comme une sorte de musique rassurante. En spécialiste chevronné de la rhétorique, Mitterrand a crucifié les convives du dîner et s'est empressé de rentrer à Paris. C'est alors que mercredi dernier, François Mitterrand, le prince florentin, prit la décision de conseiller Dominique de Villepin, le grognard de Matignon. A priori, Mitterrand est plutôt sensible au panache de Villepin. De plus, il semble que cet homme de droite aime la littérature et la poésie, ce qui n'est pas sans déplaire à François. Reçu en audience privée, François demanda alors à Dominique quel était son projet pour la France et surtout quels étaient ses atouts pour réussir. En un instant, Villepin trouva son unique atout. Je suis beau gosse, c'est la nature qui a dessiné mon portrait. Je suis beau gosse, j'ai de l'allure, je plais, je plais. Certes, il faut plaire aux femmes, mais consterné par la frivolité de la réponse, Mitterrand s'empressa de quitter Dominique de Villepin. François se mit à réfléchir. Convaincu que Jospin va tenter de se représenter en 2007, il décida de le recevoir dans un appartement discret avec une jolie cheminée pour voir de quoi Jospin était encore capable dans l'arène politique. Leur rencontre a eu lieu jeudi dernier, sauf que c'est un inconnu qui s'est pointé au rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Je ne peux pas vous recevoir. J'attends M. Jospin. Mais c'est moi, Monsieur le Président. Vous n'avez pas les cheveux frisés, lui, avant? Entrez. Alors, comment allez-vous vous y prendre pour gagner? Eh bien, en premier lieu, je vais jouer l'honnêteté à fond. Il ne faut pas essayer de dissimuler nos erreurs. C'est foutu. Ils sont morts. Et c'est une bonne idée. La franchise est la chose que comprennent le mieux les Français. Ensuite. Eh bien, je vais essayer de ne pas m'abaisser à un débat politicien et exposer un programme réaliste. C'est un fou. Si ça se trouve, en plus, il est sincère. Je suis sûr, Monsieur le Président, que le socialiste... Pas que sincère, il est simple aussi. En plus, il a une sale tête. Si j'ai votre soutien, Monsieur le Président. Je n'ai malheureusement plus la carrure pour un soutien. Mais vous pouvez compter sur mon indifférence. Oh, merci, Monsieur le Président. Vous savez, on il n'a rien compris. Je me demande s'il n'est pas un peu con. Où est la raison. Il m'ennuie. Ça fait 10 minutes qu'il est là. J'ai envie de le gifler. Personne ne voudra jamais de ça pendant 7 ans. Retroussez les manches. Monsieur Jospin, j'ai confiance en vous. Maintenant, je vais vous demander de me laisser. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, c'est très gentil à vous de m'avoir reçu, Monsieur le Président. Je suis sûr que nous pouvons gagner. Bien sûr, hein. Sinon, pourquoi se battre? Je suis sûr que vous mènerez à bien la tâche pour laquelle vous avez été désigné. Et cette tâche, c'est de redonner l'espoir. Voilà, c'est ça. André. Ah, il est parfait. Pour anéantir Rocard, j'ai besoin de tapis. Pour anéantir Jospin, je m'en remets entièrement à Jospin. Toujours impeccable, les guignols de l'info. Alerté par Jospin, Rocard a été mis au courant du retour de Mitterrand. Le cauchemar. Cela dit, Michel Rocard a tout de même passé un coup de fil à François Mitterrand pour obtenir un rendez-vous. On ne sait jamais. Cet entretien fut lui aussi, comment dire, très bref. Allô, Tonton ? C'est Roro. Allô, Tonton ? Pourquoi tu tousses ? Hors de question pour François de revoir Rocard. Alors ça, jamais. Pour Mitterrand, la gauche est vraiment mal barrée. À la fin de son second mandat présidentiel, en 1995, il avait déclaré qu'il considérait qu'il aurait réellement accompli son destin le jour où un autre socialiste serait élu à l'Élysée. Là, il ne voit pas trop qui pourrait lui succéder. Ségolène, il n'y croit pas. Il l'aime bien, mais pour lui, l'appareil du parti va bien entendu se monter contre elle. Cela dit, Mitterrand conserve encore un peu d'espoir pour son fils spirituel. C'est ainsi que vendredi, avant-hier, il a souhaité recevoir Laurent Fabius pour lui donner quelques conseils stratégiques sur l'union de la gauche. Mitterrand a exhorté Fabius à devenir le héros national de la gauche française. Lolo, lui, il a envie, mais le problème, c'est qu'il n'est pas très sûr. Je ne suis Décidément, pour François Mitterrand, personne ne peut garantir l'avenir politique de la France. Au passage, il n'a pas pris la peine de rencontrer Nicolas Sarkozy. Mitterrand est persuadé que ce n'est qu'un feu de paille, un destin comme celui du général Boulanger. Mais bon, ça nous verrons. Cela dit, la vacance intellectuelle de la classe politique française inquiète beaucoup François. C'est pourquoi, hier après-midi, il a décidé qu'il allait tenter un coup. Celui de reconquérir le pouvoir et créer à nouveau un 10 mai en 2007. C'est ainsi qu'en cachette, il a invité quelques amis pour s'entraîner au grand discours. Alors, soyons tranquilles et soyons sûrs de nous. Avançons, comme il faut avancer, comme je vous y invite. Avançons, avec en nous la force d'âme, la volonté d'être. La certitude, oui, la certitude d'être là où il faut, mais aussi l'humble démarche de ceux qui savent qu'ils doivent tout au peuple dont ils sortent et que leur honneur, en fin de compte, sera de l'avoir servi sans broncher selon les volontés qu'il a lui-même exprimées et selon les desseins permanents d'une histoire 10 fois séculaire. C'est sûr, un discours comme ça, à droite comme à gauche, ça manque un peu aujourd'hui. Alors voilà, nous sommes prévenus, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est le comeback de la tonton mania, c'est le retour en ville de celui dont parfois tu maudissais le nom, c'est le grand retour un peu improbable de François Mitterrand. C'est le grand retour un peu improbable d'un... Le grand retour, chanté par Alain Chamfort en 2003, parce que Mitterrand, 10 ans après sa mort, fait cette semaine son grand retour dans l'actualité. Alors, pour poursuivre notre aventure dans la Mitterrandolâtrie, après avoir vu comment Mitterrand a su fasciner, grand séducteur qu'il était, et après avoir imaginé son retour parmi nous, il est temps maintenant, à 11h45, de retrouver nos deux héros à la force tranquille, les sympathiques Monique et Jean-Claude. Imagine-toi que cette semaine, le Jean-Claude, abreuvé de reportages et d'articles sur président Mitterrand, a décidé de devenir lui aussi François Mitterrand. Je voudrais être ce monsieur qui passe, ce monsieur qui passe sans se presser. Il a le charme des princes de race qu'on a mis au monde tout habillé. Eh oui, Jean-Claude, bien qu'il ait voté Giscard en 1981, s'est pris la semaine dernière d'une folle passion pour président Mitterrand. Alors, fissa, Jean-Claude a revendu sur Internet tous les cadeaux de Noël de ses enfants pour s'offrir à lui la panoplie complète du Mitterrand. À savoir une Légion d'honneur et une Francisque, un labrador noir qu'il a appelé Caspienne, un chapeau et surtout une écharpe rouge. Monique, elle, est très étonnée de la nouvelle lubie du Jean-Claude. Il n'a jamais vraiment été de gauche et puis il n'y connaît rien à la politique. Mais Jean-Claude conteste. Il a, tout comme son idole, un vrai programme de gouvernement et il sait très bien ce qu'il ferait s'il était élu. Si j'étais président de la République, je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, simple et à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Monique, ça l'a fait bien marrer. Simplet à la culture et Tintin à la police. Et pourquoi pas Douce de Blasie aux affaires étrangères, tant qu'on y est, hein ? Monique n'en peut plus et conseille à Jean-Claude d'aller, comme Mitterrand, gravir la roche de Solutré. Ça fera des vacances à tout le monde. Jean-Claude trouve l'idée géniale. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Mais bon, Jean-Claude ne va pas passer sa vie à siffler sur la colline de Solutré. S'il veut vraiment ressembler à Mitterrand, il lui faut lui aussi une petite maison dans les Landes. N'importe quoi, même une cabane toute pourrie. Il essaie de convaincre Monique. Ce serait la maison du bonheur, même à fort loyer, je suis preneur. Monique, elle, ne veut rien savoir. Au début, c'était drôle, Jean-Claude qui se prend pour Mitterrand, mais au bout d'un moment, ça suffit. Surtout que cette nouvelle lubie commence à perturber les enfants. Quand la maîtresse lui a demandé ce que faisait son père, Rémi, le fils de Monique et Jean-Claude, lui a répondu « Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux, mon vieux. Maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. La maîtresse, un peu perplexe devant les déclarations de Rémi, a prévenu les services sociaux. Ça la fout mal. Jean-Claude possède maintenant l'ensemble de la panoplie de Mitterrand. Enfin, presque, car il lui manque un élément majeur, une fille cachée. Et oui, Jean-Claude, il est fidèle. Il n'a jamais trompé Monique. Enfin, jamais sans capote. Alors du coup, avoir une fille cachée, c'est compliqué. Mais Jean-Claude s'en fout. Mitterrand a toujours cherché à cacher l'existence de sa fille. Jean-Claude, lui, va tenter de prouver qu'il a une fille cachée qui s'appelle Richeliette. Jean-Claude se précipite et avoue à Monique l'existence de Richeliette. La réaction est immédiate. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime tes mensonges? Tant que tu mentiras, c'est que tu tiens à moi, comme moi je tiens à toi, bien malgré toi. Jean-Claude va avoir un mal fou à faire croire à son entourage qu'il a une fille cachée, mais il va y arriver avec obstination et ruse comme Mitterrand. Quand Monique essaie de le mettre face à ses contradictions sur cette histoire de prétendue fille cachée, la réponse de Jean-Claude est toute trouvée. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Ouais, bien sûr, une môme qui travaille en usine à Créteil. Ça la fait doucement sourire, Monique. Elle sait bien que le Jean-Claude, il n'y comprend rien à la politique et qu'il va avoir du mal à apprendre à parler le socialisme comme l'a fait Mitterrand. Bon, cela dit, il fait pourtant des efforts. Il se remémore des vieux souvenirs de Mitterrand et tente de l'imiter. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps parler librement. Il faut laisser les heures couler doucement. Il faut laisser nos cœurs chanter différents. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser, du temps au temps, comme le disait Don Quichotte bien avant Mitterrand. Mais ses efforts ne suffisent pas et Jean-Claude ne parle toujours pas le socialisme. Il a beau écouter en boucle les interviews de Fabius et de Strauss-Kahn, rien n'y fait, il ne parle pas socialiste. Alors Jean-Claude ne se démonte pas et décide de rencontrer de vrais socialistes. Il se rend dans la section PS de son quartier et après 20 minutes de discussion avec la jeune militante de permanence, Jean-Claude sait ce qu'est une socialiste. Elle m'a dit qu'elle avait des relations, qu'elle était pote avec un pote à tonton, qu'elle avait dîné il y a un mois chez Jacques Lang, que Guy Bedos avait repris quatre fois de la viande. Je lui ai dit que moi je fréquentais plus les salons, que j'avais connu Charles Hernu en prison, j'avais bouffé une fois dans un ministère, qu'objectivement c'était meilleur chez ma mère. Elle était socialiste, se méfiait des écologistes, détestait les communistes et les dentistes. Ah bon? Ouais ouais, pourquoi? Ça fait mal. Ça y est, Jean-Claude a discuté avec une vraie socialiste. Mais horreur! Il se rend compte que s'il veut être le nouveau Mitterrand, il devra visiter toutes les sections socialistes de France. Et donc fréquenter des socialistes. Être Mitterrandolâtre, d'accord, mais pas socialiste. Pour Jean-Claude, la vie en rose se limite à prendre Monique dans ses bras. Sais-tu que j'aime tes mensonges? Sais-tu que j'aime... Ah, la machine a dérapé, mais ce n'est pas grave. Monique, ça lui suffit que son Jean-Claude soit lui-même et pas Mitterrand. Pour Monique, si la gauche a le blues de Mitterrand, c'est sans doute parce qu'elle est en recherche d'un leader. Et dans la pré-campagne présidentielle qui s'annonce, il va falloir en trouver des leaders à droite comme à gauche et qui aient autre chose à proposer que la peur comme un programme électoral. Quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honnards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps là. On arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on a... La ville souterraine est plongée dans le noir. Les gens qui s'y promènent ressortent sur tes brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre à leur 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Paraît coupons la bagarre. C'est la fenêtre sur les boulevards. Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, c'est ce que chante Daniel Balavoine en 1981 pour l'opéra rock Starmania avec Michel Berger. Quelques mois plus tôt, sur un plateau d'Antenne 2, Balavoine s'était mis en colère face à Mitterrand. Mais en janvier 87, après la mort accidentelle de Balavoine, François Mitterrand aura ces mots « La jeunesse n'oubliera pas de sitôt celui qui lui a donné une si grande leçon de vie en allant jusqu'au bout de ses passions ». On peut penser qu'en disant cela, Mitterrand pensait également à lui. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration partielle de la planète mitterrandienne. Du ministre de la 4e au président de la 5e, du prince florentin à l'Opéa d'Épinay, de Baltique à Caspienne, nous t'avons dressé un portrait subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que pouvait être François Mitterrand. Parce que, bien entendu, il y a aussi les sombres affaires, l'argent sale, les amitiés douteuses, le mensonge, le Rainbow Warrior, les écoutes téléphoniques, la dérive monarchique du pouvoir, tout ça, personne ne peut l'ignorer. Cela dit, qu'on le vénère ou qu'on le déteste, François Mitterrand, tout comme le général de Gaulle, a marqué de son empreinte un demi-siècle de vie politique française et internationale. Et personne ne peut l'ignorer non plus. François Mitterrand fut un grand homme d'État d'une carrure qui risque sans doute de nous faire défaut dans les années à venir. Mais bon, on verra bien, va savoir. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre. Eh ben voilà, Mike Brandt qui dérape à nouveau. Et pourtant, c'était la première fois que Mike Brandt passait dans cette émission. La machine est douloureuse ce matin, je ne sais pas ce qui lui arrive. On enchaîne, Marco. Voilà, fin du 18e épisode, c'était C'est qui François Mitterrand, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure Total Foutraque et Archiloufoque. C'était Panique au Mangin Palace, Radio Mix a été coécrit Les Doigts dans la Prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux, merci à lui. Au platine, au montage, il y avait Marco qui galère avec la machine comme vous le voyez, merci beaucoup. Marco assisté aujourd'hui d'Elisabeth Collet et de Benoît Massir, merci à vous deux. Pour la doc, on dit merci beaucoup à Flora Bernard et pour les scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Catherine Pinto, merci qui revient dès lundi, très, très bon courage à elle parce qu'elle passe cet examen. Pour toutes les informations complémentaires, on retrouve La Panique au Mangin Palace sur franceinter.com. Voilà, après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. C'est parti, la pub. Il y a le feu dans le studio, je continue.